Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Salut Lucille. Lucille ? Bon, comme vous l'entendez, mon acolyte a pris la route vers d'autres horizons. Je ferai donc cette chronique seule, mais avec une pensée émue pour ma chère Lucille, parfois maladroite, mais vraiment un tout petit peu, qui m'a inspiré la thématique du jour. Chaque hiver, le même scénario se répète. Trottoir glissant, chute spectaculaire, accident parfois grave. Mais au-delà de la météo, une question essentielle se pose. Qui est responsable en cas d'accident causé par le verglas? La réponse dépend beaucoup de qui vous êtes et de l'endroit où l'accident se produit. Commençons par les particuliers. Si vous êtes un simple citoyen et que vous glissez sur un trottoir ou une route verglacée, le principe est clair. Le verglas, en lui-même, est un phénomène naturel et la responsabilité d'un tiers n'est pas automatique. Pour engager la responsabilité de quelqu'un, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Prenons un exemple. Vous tombez devant la maison d'un voisin. En principe, un particulier n'est pas responsable du trottoir public devant chez lui, sauf arrêté municipal lui imposant explicitement le déneigement ou le salage. Sans obligation légale précise, sa responsabilité ne sera généralement pas retenue. En revanche, si un particulier crée ou aggrave un danger, par exemple en laissant couler de l'eau qui gèle sur le passage, sa responsabilité civile peut être engagée. Dans ce cas, c'est son assurance habitation qui interviendra. Passons maintenant aux personnes morales, entreprises, copropriétés, collectivités par exemple. Ici, le régime est souvent plus strict. Une entreprise, un commerce ou un syndic de copropriété a une obligation de sécurité envers les usagers ou les clients. Un trottoir privé, un parking, une entrée de magasin doivent être entretenus normalement. Si une personne chute sur un sol verglacé non traité, sans signalisation ni intervention raisonnable, la responsabilité de la personne morale peut être engagée pour défaut d'entretien. Même logique pour les collectivités territoriales. Communes, départements ou régions peuvent voir leur responsabilité engagée si elles n'ont pas assuré un entretien normal de la voirie compte tenu des conditions météo prévisibles. Attention toutefois, les juges tiennent compte de la réalité. En cas de verglas soudain ou exceptionnel, la responsabilité peut être écartée s'il était matériellement impossible d'agir à temps. Cela a un nom, on parle de force majeure. Un épisode y sera peut-être consacré prochainement. En conclusion, pour les particuliers, la responsabilité est l'exception. Pour les personnes morales, la vigilance est la règle. En hiver, le droit nous rappelle une chose simple. La neige fond, mais la responsabilité, elle, ne disparaît jamais totalement. En tout temps, la vie nous rappelle une chose simple. Le quotidien partagé disparaît parfois, mais les pensées et l'affection perdurent. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique juridique. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.